Jolie, sag mir, wann bist du da? Komm einfach runter, weiß jetzt nicht, was an uns passiert. Bin auf Motorrad, Jolie, sag mir, wann bist du da? Ich weiß, du kennst das anders, aber Madame Avi. Mir fehlt auf, verschmiert sich dein Maskerad. Und die Aussicht sieht aus wie ein Mandala. Fotos, Snapchat, Kamera, im Plattenbau machst mit Deckbacks, aber Cash im GTD. Dreht ein Ella und Baby Bella ruft dann am Telefon. Hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo. J'suis en Camberge ce soir. J'te jure, j'ai trop les nerfs. Zemer, zemer. C'est la prime. C'est dur, j't'avoue, vous. J'ai pas fait ce qu'il fallait pas. Quand c'était chaud pour moi, j'ai fait le tri, m'en voulait pas. Ils étaient pas fiables pour moi. C'est pas joli entre nous, bébé. Faut faire des efforts. Moi, c'est pas joli, t'es jaloux. Va falloir qu'on change de décor. Job by everyday. Reconnaissance est ribée. Te plains pas de ton sort. On a tout ce qu'on a mérité. Laissez-moi.